Le tir d'essai du modèle Pukusan 2, engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol, nouveau système d'armes stratégiques originales, a été effectué avec succès le 12 février. Le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, l'a dirigé sur place. Rappelons que sur la base des réalisations obtenues lors du tir d'essai de l'engin balistique de sous-marin stratégique en plongée en août dernier, il avait donné la tâche de développer un engin balistique sol-sol de portée plus longue, partant de ce système d'armes. Informé de l'état de développement du Pukusan 2, il a fixé la date de son tir et dirigé sur place les préparatifs intéressés. Le jour de tir, avant le lancement expérimental, il a examiné le véhicule lanceur automoteur à chenilles conçu par la classe ouvrière de l'industrie de guerre de ses propres forces, techniques et intelligence. Au poste d'observation, il a écouté en détail le programme de tir avant de donner l'ordre de lancement. À travers le tir d'essai, on a confirmé la crédibilité et la stabilité du système de fusée à monergol sur Terre, les caractéristiques de démarrage du moteur à propergol solide de grande puissance et réaffirmé celles de guidage et de contrôle d'engins balistiques en vol actif, celles de travail des moteurs à propergol solide de grande puissance et celles de séparation à cascade. On a vérifié également les caractéristiques de contrôle de position, de guidage et de mouvement évasif contre l'interception de la tête de combat contrôlée dans l'espace intermédiaire, puis la rentrée après sa séparation. Cette tête est plus améliorée et capable de porter l'ogive nucléaire. On a testé aussi dans l'ambiance terrestre extrêmement difficile le déplacement et l'opération du véhicule lanceur automovant nouvellement conçu et confirmé parfaitement les caractéristiques techniques à travers le tir réel de l'engin balistique. Compte tenu de la sécurité des pays voisins, le tir a été effectué selon le mode de tir à angle élevé à la place de la portée. Le commandant suprême Kim Jong-un a souligné que le modèle Pukusan 2 est un système d'armes supérieures original commode à l'usage opérationnel et capable d'assurer la rapidité de la frappe. Il a déclaré que le véhicule lanceur et l'engin balistique constituent à la lettre les armements Chuche développés à 100% par nos propres intelligences, forces et techniques, depuis le plan, la construction et le lancement, et exprimé sa grande satisfaction de la naissance de notre nouveau moyen offensif nucléaire puissant, redoublant de la puissance de notre patrie. Il a déclaré que notre industrie de fusées s'est développée sûrement en fusées à moteur de propergol solide de grande puissance, depuis celle à moteur de propergol liquide, et qu'elle est renforcée remarquablement en industrie de type de développement et de création, non pas celle de type d'imitation de modèle. Il a fait remarquer qu'étant développé un nouveau système d'armes stratégiques, notre armée populaire est arrivée enfin à accomplir sa mission stratégique le plus exactement et le plus rapidement dans n'importe espace terrestre et sous-marin. Le lancement d'essai fini, le commandant suprême Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les scientifiques, techniciens et militaires ayant participé à l'essai de tir de modèle Pukusan 2, engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol.